nous notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Toi qui as postulé à un concours, espère en l'Éternel, ne néglige pas. Oui, tu as postulé à un concours sur le net. Laisse-moi te dire que l'Éternel est capable de te faire une surprise. Tu as un talent que tu négliges jusque-là. Oui, attends-toi à ce que la main de Dieu va se manifester. Et les gens seront étonnés que tu sois parmi les gens qui seront retenus. Même si tu ne connais personne, mais Jésus lui-même, il va te positionner. Réveille-toi, commence à lui dire merci, à le louer. Alléluia. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Marc chapitre 2. 1 à 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Nous allons lire Marc chapitre 2, 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alléluia. Nous allons partager trois vérités qui vont nous inspirer dans nos prières d'aujourd'hui. La première vérité, c'est que à cause de notre foi, le Seigneur peut agir dans la vie de nos proches, dans la vie de nos parents, dans la vie des personnes pour qui nous nous faisons de la peine ou pour lesquelles nous prions. Vous voyez, je vais parler à une dame. Il y a ta sœur qui est malade dans un pays étranger et ça te fait mal parce que elle est restée la seule dans ta famille et on t'a dit qu'elle est gravement malade. J'aimerais te dire, ma sœur, ne pleure pas. Fléchis les genoux devant Jésus. Passe même 3 jours dans le jeûne à la prière à cause de ta foi, à cause de ta persévérance. Jésus est capable de le toucher même à distance et tu seras étonné d'apprendre que sa condition a changé. Nous voyons ces hommes-là. Ils ont vu un paralytique qui était un homme paralytique donc, qu'on ne pouvait que transporter. Il était incapable de marcher de lui-même. Et ces gens étaient convaincus que c'est Jésus qui était la solution, qu'il était capable de guérir cet homme. C'était difficile d'accéder là où il était. Et la Bible nous dit que ces hommes-là, ils ont bravé la foule. Ils sont montés par les toits. Ils ont descendu cet homme par les toits. Vous voyez, une démonstration de la foi. Le texte dit au verset 4, « Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. » Maintenant, le verset 5 dit, « Jésus vient leur foi. » Je veux parler à quelqu'un. Il y a des moments où Jésus veut voir un acte qu'il pose, qui démontre ta foi. Jésus voyant leur foi, c'est-à-dire Cette foi était démontrée par l'acte qu'ils ont posé en transportant cet homme-là, en prenant le risque de monter sur le toit et de le transporter jusqu'au pied de Jésus. Voyant leur foi, à cause de leur foi, Jésus s'est tourné maintenant à l'homme, c'est-à-dire au paralytique. Il a dit, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Ma sœur, mon frère, sache qu'à cause de ta foi-là, Dieu est capable d'agir dans la vie de ton parent, de ton père, de ta mère. Oui, crois que tout est possible encore. Deuxième vérité, nous voyons trois éléments importants sur la nature de Jésus. Jésus est omniscient en tant que Dieu. Tous ces trois éléments démontrent sa divinité. Il est omniscient, c'est-à-dire il connaît toutes les choses. Tu ne peux rien lui cacher. Je veux parler à quelqu'un. Tu trompes ton mari, ma soeur. Tu dis que tu pars en mission et pourtant tu es une femme mariée. Tu as des relations louches avec ton patron et pourtant tu dis que tu es chrétienne. Tout ce que tu fais en cachette là, le Seigneur Jésus te voit. Tu ne peux rien lui cacher. Il sonde, il pénètre même tes pensées. Tu fais l'hypocrisie avec ton mari. Tu dis que tu l'aimes alors que tu ne l'aimes pas. Alors que tu as encore des relations avec un garçon avec qui vous avez étudié au collège. Non, ce n'est pas normal. Regardez ici. Quand Jésus a dit, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Le verset 6 dit, « Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, c'est-à-dire dans leur cœur, dans leur pensée. Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu ? » Et le verset 8 dit, « Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait. » Donc tu vois, Jésus connaît même ce que tu penses. Donc tu ne peux rien le cacher. Cesse la vie d'hypocrisie. Un jour, il va te dévoiler. Il connaît ce que tu fais, achète. Ce que tu fais dans les chambres d'hôtel. Ce que tu fais à minuit, à 2h du matin. Il connaît. Deuxième élément concernant Jésus. Il a le pouvoir de pardonner. Et c'est ce que ces gens-là n'ont pas compris, les scribes. Parce qu'ils disaient, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, ils oubliaient que Jésus-Christ était Dieu. Parce que, effectivement, il n'y a que Dieu qui pardonne. Jésus avait la nature humaine, mais il avait aussi la nature divine. Et en tant que Dieu, il avait ce pouvoir de pardonner. Nous savons que même dans nos sociétés modernes, c'est le premier magistrat, pour les uns, les chefs de l'État, le président de la République ou le roi, qui a ce pouvoir de gracier, par exemple, un coupable, quelqu'un qui a commis un délit et qui est emprisonné peut-être pour 15 ans, 20 ans, mais le président de la République a ce pouvoir de les gracier. Jésus-Christ, il est plus que le président de la République. Il a le pouvoir de pardonner. Je veux parler à quelqu'un, tu as fait des avortements pendant plusieurs années, mais dans la mesure où tu rencontres Jésus-Christ, il a le pouvoir de te pardonner. Et personne ne peut plus te condamner. Quand Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est pourquoi la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vais parler à quelqu'un. C'est vrai que tu as commis des péchés, tu as commis beaucoup de dégâts. Mais sache que Jésus te pardonne. Pourquoi te sens-tu toujours coupable? Même si les gens te voient selon l'identité que tu avais avant. Mais Jésus ne te voit plus selon cette identité. Quand tu viens à Jésus, il te dit tes péchés te sont pardonnés. La Bible nous dit qu'en lui, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. S'il a son sang à la croix de Golgotha, c'est pour effacer tes péchés. C'est pour te pardonner. N'éprouve plus la culpabilité. Il faut chasser l'esprit de culpabilité. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il a le pouvoir de pardonner. Troisième pouvoir, Jésus a le pouvoir de guérir toutes maladies, y compris la paralysie. Il a guéri les paralytiques. Il dit, afin que l'on sache que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et marche. Et au même instant, cet homme s'est levé, il a commencé à marcher. Quel est le problème pour lequel tu souffres? Quelle est la situation pour laquelle les gens disent que c'est impossible? Il n'y a rien. Jésus a le pouvoir de changer ta situation. Maintenant même, crois-le. Troisième vérité, nous devons apprendre à mettre notre foi en action. Vous voyez, cet homme-là, lorsque Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, il fallait qu'il puisse s'appliquer. Imaginez un peu s'il commençait à dire, bon Jésus, tu connais que moi, je ne sais pas marcher, pourquoi tu me demandes de me lever? Il a cru, il s'est levé. Il a pris son lit, il a marché. C'est ce qu'on appelle mettre sa foi en action. Il y a beaucoup de gens parfois qui ont des doutes. Le Seigneur a déjà agi. Mais il te dit maintenant de faire un pas qui démontre ta foi, qui démontre que ta situation a changé. Mais toi, tu continues toujours à dire oui, je ne sais pas qui va pouvoir mes besoins, qui va payer mes factures, je ne sais pas. Non, par ta manière de parler, tu démontres que tu es encore incrédule. Il faut que tu changes ta manière d'agir et de faire. Cet homme s'est levé, pris son lit, il a marché. C'est la foi en action. Toi qui as des problèmes d'argent, au lieu de continuer toujours à te plaindre, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, le Seigneur peut te dire, le peu d'argent que tu as, donne en offrande, comme si tu étais déjà riche. C'est aussi une façon de mettre ta foi en action pour démontrer que tu as déjà cru, que Dieu a déjà pourvu à tes besoins. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour démontrer ta foi. Et lorsque le Seigneur voit ça, effectivement, sa gloire vient sur toi. Sa puissance se manifeste. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Chantons ce cantique pour le glorifier et l'adorer. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. C'est pourquoi nous allons chanter cette chanson avec joie et avec vie. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ensemble, il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nous allons reprendre cette chanson ensemble pour dire que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira devant le nom de Jésus. La pauvreté fléchira devant le nom de Jésus. Le chômage fléchira devant le nom de Jésus. Les célibats fléchira devant le nom de Jésus. Même les échecs fléchiront devant le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, yo, yo, yo, yo. Si c'est le cas, tu vas chanter ce chant haut et fort. Tu vas dire qu'il a reçu le nom, qu'il a reçu le tout nom. Allons-y ensemble. Deux. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. dans le nom de Jésus. Les épreuves fléchiront devant le nom de Jésus. Les célibats fléchiront devant le nom de Jésus. La pauvreté fléchira devant le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, yo yo yo yo. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Il est digne de louange. Il est digne d'être loué. Il a le pouvoir de pardonner. Il a le pouvoir de guérir. Il est omniscient. Comment ne pas le louer? Élevons tous ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur Jésus. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu, toi le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent. Tu es celui qui connaît toutes choses. Et celui qui agit au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous te demandons. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu, toi le Dieu qui pardonne nos péchés. Tu es celui qui nous guérit de toutes sortes de maladies. C'est pourquoi nous t'élevons en ce moment. Nous te glorifions, toi le Dieu digne d'être élevé, le Dieu digne d'être exalté, le Dieu digne d'être magnifié. Sois béni, ô notre Dieu, notre Seigneur, toi le Dieu qui nous touche et tu es celui qui permet à ce que nous puissions entrer en tout temps dans le lieu très saint. Merci Seigneur de ce que c'est toi qui nous permet de démontrer notre foi afin de te permettre de nous toucher. Sois magnifié, sois glorifié, toi le Dieu qui nous a laissé l'accès libre. Nous pouvons, ô Seigneur, à travers Jésus, te toucher à tout moment. Nous t'élevons en ce moment, nous te glorifions. Toi le Dieu plein d'amour, le Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté, reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre émission s'appelle OSB, Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures temps universel, selon les Écritures saintes. Et pour aujourd'hui, notre texte de base, c'est Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir que le Seigneur peut agir dans la vie des tierces personnes, dans la vie de nos amis, dans la vie de nos parents à cause de notre foi. Cet homme était guéri parce que Jésus a vu la foi de ceux qui l'ont transporté. Je ne sais pas, quel est l'ami pour lequel tu pries? Quel est le parent pour lequel tu pries? Le Seigneur te dit, à cause de ta foi, moi je suis capable d'agir. Je suis capable d'agir dans la vie de ton mari. Ton mari qui souffre de diabète, à cause de ta foi, moi je suis capable de les restaurer. Lève ta main, impose même la main sur ton mari, femme, là où tu es, et ma puissance va le toucher maintenant même, à cause de ta foi. Prions le Seigneur pour nos amis, nos proches qui ont des problèmes. Chaque matin je me lève. je prie avec respect. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec respect. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec respect. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec respect. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons. Toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donnes chaque jour. Ce matin, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous exprimons notre reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous prions au Père éternel et nous déclarons ta bonté et ta miséricorde qui dure à toujours. Ce matin, nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs qui sont dans des difficultés, qui sont environnés par la maladie. Nous prions et nous demandons que tu interviennes dans leur vie, ô Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nos proches qui ne te connaissent pas, nos proches dont l'esprit est aveuglé par le diable, nous prions, ô Père éternel, et nous déclarons que toute couverture d'aveuglement est ôtée dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous étendons notre foi, ô Père éternel, pour une guérison miraculeuse de ce frère qui est dans des difficultés, de ce frère qui est environné par la maladie et qui ne sait comment y procéder. Tu as dit dans ta parole, tu envoyas ta parole et tu les guéris et tu les délivras de toute forme de maladie. Tu les délivras de la force de la destruction. Merci Père éternel pour ces proches que tu restaures. Merci Père éternel pour nos amis, pour nos connaissances que tu délivre des liens de la maladie. Merci Père éternel pour nos amis que tu restaures. Merci Père éternel pour nos frères et nos sœurs que tu délivres. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir dans ce passage que Jésus a le pouvoir de pardonner. Il a le pouvoir de guérir. Il est omniscient. Il connaît toutes les choses. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être qu'il y a des gens qui te condamnent. Peut-être qu'il y a une confrérie de mystiques et de sorciers qui sont là pour t'accuser. Tu vas annuler leurs accusations. Déclarer que Jésus-Christ t'a déjà pardonné. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu vas proclamer la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, il a le pouvoir de délivrer. Il a le pouvoir de guérir. Il a le pouvoir de pardonner. Prions le Seigneur. Chaque matin, je me lève. Je prie avec respect. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec respect. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec respect. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec respect. Oh, respect. Opération sur la brèche. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Merci Seigneur, parce que dans Marc 2, le verset 10, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Ce matin, tu dois savoir, toi qui gémis, toi qui te culpabilises, tu dis que tout ce que tu as fait, tu es impardonnable. Le Fils de Dieu a le pouvoir, a l'autorité, a la suprématie de pardonner les péchés. Faut pas continuer à pleurer, à fuir l'église, à fuir les frères et les sœurs en Christ parce que tu es tombé. Tu as honte de te retrouver parmi tes frères et sœurs. Reviens au Seigneur. Il a le pouvoir de te pardonner. Il a le pouvoir de te laver. Il a le pouvoir de te purifier. Il a le pouvoir de pardonner, de purifier nos foyers, nos enfants, nos vies. Seigneur, nous venons à toi ce matin. Nous te demandons de nous laver. Nous te demandons de nous purifier, de nous sanctifier. Merci pour le pardon que nous avons. Parce que le vrai pardon se trouve auprès de Dieu. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier le Seigneur pour chasser toute incrédulité. et que tu puisses mettre ta foi en action. Proclamer ta guérison, pour ta restauration. Cet homme s'est levé, dit: Seigneur, moi aussi je vais me lever. Tu es resté couché pendant longtemps dans la pauvreté, dans la misère. Tu es resté longtemps couché dans la paresse, mais tu vas te lever pour dire: Seigneur, pour démontrer ma foi, voici ce que je vais faire au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur pour qu'il te donne cette foi audacieuse qui pose des gestes, des actes de foi au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays, je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille, je prie avec OSP. OSP, opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Père, je te rends grâce et je te remercie. Merci parce que quand tu as annoncé à Abraham qu'il allait avoir un fils, la Bible dit dans Romains 4, verset 20, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. » Seigneur, merci parce que tu nous as annoncé que nous sommes des hommes libres. Mais aujourd'hui, nous sommes sous le poids d'une maladie. Nous sommes sous le poids d'un démon. Nous sommes sous le poids des charges. Ce matin, donne-nous de briser l'incrédulité dans nos corps, dans notre âme. Au nom de Jésus-Christ, tu nous as annoncé que nous sommes appelés à être des conducteurs, des hommes qui vont amener des autres à Christ, qui sont des leaders. Tu nous as dit que nous sommes, oui, des géants, que nous sommes ordonnés à réussir, que nous sommes nés pour réussir. Mais voilà que nous ne voyons pas cette réussite. Seigneur, certainement c'est l'ignorance. C'est pour cela, ce matin, je brise l'ignorance de nos corps. J'annule l'ignorance dans nos âmes, dans notre esprit. Et tu nous donnes de nous engager avec foi, fortifiés par la foi, de poser des actes de géant, des actes de réussite, des actes, oui, de conducteur. Père, merci pour ta grâce qui nous localise afin que nous soyons des héros, des personnes importantes selon notre foi, selon nos désirs. Merci de nous qualifier ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre grand rendez-vous. Samedi 26 décembre, nous viendrons tous à Abidjan, à l'église centrale d'Assemblée de Dieu. Viens mon frère, ma soeur. Toi, tu n'es jamais venu à OSP. Cette fois-ci-là, ne manque pas. Dieu t'a tellement béni que tu n'es pas resté à la maison. Il faut venir avec tes enfants, avec ta famille, pour lui dire merci. C'est spécial OSP d'Action des Grâces, à partir de 9h jusqu'à 13h. Mais pour les célibataires, nous poursuivons notre thème sur comment éviter des mauvais départs pour réussir votre mariage. C'est les dimanches au supper, dans la même cour que la radio Fréquence Vie. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse demain.